lève tes bras que je vide la caisse. Mentalité de Guadada, je fais le tour de la tête. J'attends que tous les soient libérés. Tout le charbon est soulagé. Quand le guetteur crie ara, comme ça Dieu mané, c'est moi l'enfant du village. Faut que je quitte le bendo, sous le soleil à Séville. Grâce à millions de mélos, je peux combler tes désirs. Bram Tito est de retour, c'est le flow du New Jersey. Sur moi t'avais des doutes, mais je reviens fort comme Jay-Z. Tous mes négros sont dans le refou. Ça vend de la neige même quand il fait beau. Wesh, dealer qui gère mieux la mélo. L'inspi provient de la NASA, déconnecté de la Neuzo. Mais Pina Cotazo, Cotazo. Ville à bord de mer, cocktail M fait graille des raisins. Elle danse le Mabouka, oh là là. Elle fait la reine du sud, la folle elle se prend pour Teresa. Pina Cotazo, j'fais la hagla comme Amine Dada. La SACM est tombée, ça me donne envie de lui acheter de la sable. Hey, tellement médaillé, j'reçois des nuits de Zendaya. Bram si beau maillé, cette année j'rentre à Kinshasa. Chili, quartier 4, moi Nanko, y'a des gars. Dixon, y'a des gars. Melosa, y'a des gars. Hey, Chili, quartier 4, moi Nanko, y'a des gars. Melosa, y'a des gars. Hey, tous mes négros sont dans le refou. Ça vend de la neige même quand il fait beau. Wesh, ils savent très bien qui gère la mélo. L'inspi provient de la NASA, déconnecté de la Neuzo. Mais Pina Cotazo, Cotazo. Ville à bord de mer, cocktail M fait graille des raisins. Elle danse le Mabouka, oh là là. Elle fait la reine du sud, la folle elle se prend pour Teresa.